2022. Tickets for Los Lobos can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. KFEI is proud to present Barbaro at the Cedar Cultural Center on Friday, December 1st. The Minneapolis-based band Barbaro earned acclaim for their bluegrass-focused 2020 debut, Dressed in Roses, and are now forging a dynamic new musical path on their newest release, About the Winter, delivering a captivating pastoral Americana sound that is both traditional and progressive. Tickets for Barbaro can be found at the Cedar Cultural website. Visit thecedar.org for more details. Minneapolis, St. Paul, and streaming on KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. You know when I make signs like that? Or like that? That means the mic was not on is yet. Is the mic on now? Now it is. Is the mic on? It was, I put it on halfway through. All right. So. Yeah. Hello, everyone. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. And now, for the French, listen to Romain. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va et toi? Ben ça va. Ready? Yeah. Freddy is ready? Yeah, I'm ready, Freddy. Why do I say that? I don't know, because you're leaving tomorrow. Yeah. Oh, because, no, I shouldn't say I'm ready, Freddy, you know, I should say, yeah, no. Freddy's ready. I thought also, ready you talk about yourself, like the third yeah, like Alain Delon. Like the king. Yeah. Like Caesar. Yeah. Okay. Well, Caesar was the emperor. That's better than the king. Yeah. But tomorrow you're going to be a king because you got a special day tomorrow, don't you? I don't know. That seems a little bit overblown, but okay. So yeah, what's happening tomorrow? I'm flying tomorrow to Paris. So woo-hoo. I'm starting to fly tomorrow to Paris. I will not arrive until tomorrow, the next day in the morning. So yeah, I think I arrive like around 8 o'clock. 8 a.m. Yes. Mm-hmm. Nice. And what's crazy is that nobody's going to be there to pick me up or to, like, greet me or something. So, because I have no fan club in France. Nobody has a little, like, Freddy sign at Charles de Gaulle. I could rent a limo or something. Just to have one. I think that's a little bit excessive. Yeah, it's not Vegas, it's Paris. Yeah, and my ego is not that high and that big. So, yeah, well, again, thank you for everybody who gave us money during the pledge drive and supports us before, after, and in the future. So really appreciate it. Thank you. Merci. And and so we have the list, and we're gonna deal with it. We're gonna send you emails, and we're gonna offer you stuff. Yeah. And that should be fun. So I'll be in Paris for the next 2 weeks. So Adrien and Romain will take the ball. And people will see that it is actually much better than when you're in the studio. They can. They'll be dead air when you're gone. They can't really see it. They might be able no, to No, but hear they will it. Say, wow, but that energy is so, you know. But, yeah, I mean, if they want to see it, you can do some live broadcasting too. So, this week, in order to say thank you, we combine both the play drive and Thanksgiving. All the evening is going to be about merci. Oh, thank you. Mm-hmm. All the songs, no exception. No, I'm kidding. Actually, we're going to start with something different. First, we're going to have like 3 songs from Les Cowboys Fringants, because Carl, the lead singer, just passed away recently. Oui. We read that like in Radio Canada, and that's very sad. He was not. Not old. Old no. at all. I mean, not he was in his late 40s, I think. Yeah, yeah. It's pretty sad. So they very had a bit of a recap, and we have enough songs from Les Cowboys Fringants from Quebec that we thought he was good. I really like him. They are very good. I mean, you can feel it's from Quebec, but it's more, I mean, it's broader than that. Right. And and it's also a little bit political, so which mm-hmm. I like. And they're one of the most like famous, like international. I know a lot of Canadians probably listening are like, "Oh, Les Cowboys Fringants." But I mean, after Céline, they're really like close up to the top. Everybody knows them, and yeah it's super sad because he was so young. And mm-hmm. I mean, it's so tribute. We're going to do that, like with 3 songs. And then after that, we'll have like a song from Slimane, and we'll get back to that. And the rest is going to be about, you know, thank you and being grateful, because that's what we do for Thanksgiving mm-hmm. outside of eating turkey. Ben, c'est vrai. Yeah. Mm. Yeah. And mashed potatoes. Ah, oui, avec du gravy. And the gravy and, all of that. Mm. And some people say watching football, but I don't really. Well, we don't eat turkey or gravy either, so no. Don't do anything like what people expect us to do. That is true. All right, should we get going? Yeah. Eh bien oui, with c'est parti. Les Cowboys Fringants? Oui. Well, I guess, I mean, I should probably announce the title. Il vaut mieux que ce soit des cowboys fringués aussi, parce que sinon ça peut être interdit par la loi. Well, I don't know. Well, they are just fringants for now. Les Cowboys Fringants. Ben oui. The first title we're going to listen to is 8 secondes, or 8 seconds. It's featuring l'Orchestre Symphonique de Montréal, and it's alive. Then we're going to listen to La Manifestation, or The Protest, which is also alive, but not with the same people. And then we're going to listen to L'Amérique Pleure, or America is Crying, mm-hmm. and it's not alive. All right? Eh ben, c'est parti, mon petit titi. C'est parti, on y va. It's seconde. Un enfant crève entièrement. Parce que pour accès à l'eau, il en dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui essèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. J'ai les grands multinationales qui croient que le droit fondamental, l'accès à l'eau, doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse ben de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, qu'un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que l'hiver coule à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge. Ou qui devient marchandise, à que tu qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, il pompe l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit, comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette liste de destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, de gueulons assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est bien plat à dire, mais ça a l'air que c'est ça le problème. Hey! Que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de la pas du gain, a amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Québec de forêt d'en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Va-t-on les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à se comme des hippies avec les yeux rougis.

And yeah, that should be fun. We'll talk about food and restaurants. And his podcast as well, I guess, the Grand Fromage. Yeah, mm-hmm. It's pretty cool. I don't listen on a regular basis, but I listened to some of them, like last time he came, and I like it. Uh-huh. It's a good thing. All right. Well, we're going to listen to more songs. So the song we're going to listen right now is kind of a new one. I mean, it's like an exclusivity because it just came out last week. Mm-hmm. It's from Slimane. It's called Mon Amour, or My Love. Yeah, and that's the song that will represent France at the 2024 Eurovision Song Contest. Mm-hmm. So that'll be fantastic, I think. Mm-hmm. Slimane is already kind of like clearly established as popular singer, and so I think that's going to reinforce the... You know, sometimes when you have a singer that's really totally unknown, it can be like cute, but... if they already have a reputation, that's In the end, it's a voting system. You need the support. Mm-hmm. If he's famous abroad, it's even better. Yeah, but because French people are gonna, they can't vote for their own country. You need support from in other countries. Right. So that's really the trick for this. And anyway, it's gonna be in Sweden this year. It's gonna be pretty exciting. But it takes he's a great artist guts when you're a famous singer. Yeah. Because you know that you might end up being, 24th out of 26. Yeah. Which is not good for your ego. It's not good for the ego and, the PR and things like that. But you get a lot of exposure, though. So we're going to listen to Slimane, Mon Amour, or My Love. Then we're going to listen to two short songs. One from Manu Chao saying, Merci, bonsoir. Thank you, good night. And it's a very short one. It's like less than a minute. And Franck Michael with Merci d'Avance. Ah, Franck. And it's from the Palais des Sports. And he's thanking the public to be there. So, sweet. On y va? Eh bien, c'est parti. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. C'est tout ça en sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma possible si tu le veux. Est-ce que tu m'aimes? voilà, c'est fini. Merci à tous, merci la vie. À mort la mort et à demain. Voilà, c'est fini. Je suis fou de toi. Merci à tous, merci la vie. À mort la mort et à demain. Side with KFAI's Word Jazz Razzmatazz. Let's hear an open mind on the open mic. Cars go past, fast and slow. Cars are cars, they come and they go. Cars wear out like a bad bingo bango, hip bongo. KFAI will give it a tow. Cars get turned into cool radio, daddy-o. Yeah, I'm hip. Go to KFAI.org and turn your old buggy into something funky. Et voili voilou. Yes, we are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFA Radio. This is Freddy. And Romain. And Adrien. Yeah. And we just listened to three songs. Indeed, because we do things by three. Yeah. Trinity. Why not? So the first song we listened to was from Slimane with Mon Amour. And yeah, as you heard before the song, it's going to be the song representing France at the Eurovision context. Yeah. And by the way, one of these days, I'm going to do like a Eurovision mm-hmm, that would be playlist. Good. Yeah. Mm-hmm. Like all the French, Franco, I mean, songs in French. Yeah. Because we have some songs. Oh, yeah, you can go back like 20, 25 years. I mean, there is time in a couple hours set for about that. Well, even longer than that, like, you know, some that we won with, like Frida Bocara with Un jour un enfant, etc. Yeah. Yeah. So we'll see. But after that, it was Manu Chao with Merci Bonsoir from his album Sibérie m'était compté. And then Franck Michael, Merci d'avance from his live au Palais des Sports in 2007. So tonight, except for the beginning where we had Les Cowboys Fringants and for the fact that Slimane is like the news of the week, we're going to have a special thank you because it's Thanksgiving and because we just finished the pledge drive and we are very thankful. Indeed. Indeed. So, and when I come back in from Paris, I think I'll probably buy some music over there. So I'll come with some unique stuff. I also have the intention to hang out much more Opus. Ah oui? Which ones? Saint-Ouen? I'm thinking Clignancourt, the one by Clignancourt, like Montreuil. Mm-hmm. And I'll see if I can see Johnny Montreuil also. Yeah. But try to hang out and find some new stuff. Oh, and yeah. Yeah. I'd love to go and look at their vinyls. And yeah. I don't know that I'll get vinyls. I'm not sure. I mean, I have capacity, but unless it's really unique or something I really like, I might just pass on. All right. Well, we're going to listen to more songs about Merci. The next song we are going to listen to is from Amel Bent. It's Merci, Monsieur. Thank you, Mister. Je t'en prie. And then we're going to listen to Jeanne Chéral, which we haven't learned for a little bit, and I really like her. Yeah. She visited us. I mean, we had her around an interview just before in she May came. of 2022. Oh, I can't remember the date. Yeah. Well, and then, well, we went to her concert, and and a few of us actually went out and had dinner with her. Yeah. It was super cool. Very nice. I liked the interview. That was pretty cool. Yeah. And she still, I think she just finished her cinema tour. You know, that concert. Yeah. That I think she just finished like a couple of months ago. What do you mean? Like she was keeping on the. Oh, yeah. Like in France. She, Oh, nice. Wow. And on some of her dates, there was Thierry Frémaux, who's the executive director of the Cannes Film Festival. He's the one who had the idea of that particular show. Very nice. And he was doing some kind of a, like, almost like a one-man show about cinema, and she was playing, you know, the piano. The piano, So. I think it must be nice to be her date, but to be one of her dates. In any case, we're going to also listen to Christophe, with Merci John d'être venu. Thank you, John, for coming. And it's from his album Samurai. It says 2013, but that should be the remaster because I think it's the end of the 60s. Yeah, right. 2013 could be considered the end of the 60s. What 60s? Where do you see a 6 there? All right, let's play music. C'est parti. Une histoire, deux histoires, c'est du passé. J'ai refermé le livre. Une histoire, deux histoires, sans citer ton nom. Tant de fois, j'ai ressassé. J'ai dû faire le vide. Tant de fois, j'ai dû courir après ton nom. C'est dur à dire, à entendre, mais ton absence m'a rendu plus solide. J'ai dû improviser. J'ai passé tant de nuits à t'attendre, à compter les années qui défilent comme les grains du sablier. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. On dit que seul le temps peut effacer, qui soigne les gens. Si parfois j'étais dur, je manquais d'attention. En secret, je m'inventais tous nos sentiments. Les étoiles dans tes yeux m'ont donné raison. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Merci monsieur, ne t'en fais pas. J'ai grandi dans le silence, je ne t'en veux pas. Oh merci monsieur, regarde-moi. J'ai déjà pleuré toute ma peine, on répare même un cœur qui saigne. Monsieur, monsieur, monsieur, comme la lune quand elle brille, la lueur dans mes yeux, c'est pour toi qu'elle scintille. Monsieur, monsieur, monsieur, elle n'est pas si fragile, la lueur dans mes yeux. Ah, merci monsieur,

We are back. So what did we listen to, Freddie? Well, we had three songs. The first one was from Amel Bent with Merci Monsieur, very uplifting. Then he got quieter with Jeanne Chiral with Merci from her album Low, like the water, from 2006. And then the last one just now was Christophe with Merci John d'être venu. Bah, je t'en prie. Mais non, c'est pas John, toi. Ah non. No, no. Maybe that Romaine. Could be John Tremblay, but not you. Non. You're désolé. And from his album Samurai. So there were three songs about merci, or thank you, so because we are very grateful of all our listeners. Oui. And we're going to keep on listening to songs. So they are even more grateful. Bah, yeah, of course. So we're going to listen to Flo de la Vega with a song called Merci la vie, thank you life. Mm-hmm. Then Marianne Dissard with Merci de rien du tout, thank you for nothing. At all. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And Tim Dupe with Merci et à demain. Eh ben, à demain, Freddy. Thank you and see you tomorrow. Ok. On y va. Je m'en vais alors. Merci de rien. savons tes demain. Merci le lendemain, savons tes demain. Merci pour le thé chaud et pour la météo. Merci pour le thé chaud et pour la météo. Merci pour le fou rire, la partie de plaisir. Merci pour le fou rire, la partie de plaisir. Merci de rien. Merci de rien. Merci de tout. Merci de tout. Avant que j'oublie et que je ne fasse ailleurs la même chose. Avant que j'oublie et que je ne fasse ailleurs la même chose. En train m'échapper de tout ça, trouver un havre de paix où l'on ne connaît ni la haine ni la foi. Merci et à demain, suffisant ciel enceint sur lesquels je me brise. On s'en va, on s'étreint, vas-y gamin, lâche prise. Merci et à demain, et les fenêtres ouvertes, l'envie de s'extraire. Je vis au corps, le cœur en bandoulière. J'ai appris à me taire. Mais là c'est là tu vois des choses petites. Le désir tu sais toi de s'asseoir, de courir à perte de vue, forêt noire ou des plages d'Afrique. Merci et à demain, un blé le dos courbé. Savoir s'en aller. L'envie de l'absence alors que tout dehors ne fait jamais silence. Mais jamais de rancune, ce serait comme dire à la lune: je t'en veux, tu n'es que grise, noire et blanche. Au contraire, je rêve de mer, de bleu et de l'astre qui penche. Merci et à demain, retrouver le bouquet rond et chaud de l'été. Et le vent et la nuit, les chênes kermesse, les genévriers, les fleurs de Braga et le linge étendu sur les toits de Guimarès. Tout part à volo, tout brûle, mais apparemment rien ne presse. Merci et à demain, se gonflent les égaux comme des ballons d'hélium. Où s'envolent et s'éclatent montgolfières à la cime, c'est la vie des hommes. Que fait-on de ce legs tendre qu'on emprunte sans remettre? Qui cueillera les fleurs s'il ne reste des brûlures que les vapeurs miettent? Merci à demain, et fatigué du monde, je délaisse l'endroit où l'on sourcit de peur, mais connaissant de l'autre ce qui le rend comme toi ou moi. Merci et à demain, à la roche du réel, j'adosse ma petitesse. Puisqu'on s'en fout, je me questionne. Qui a tiré sur la tendresse? KFAI is proud to present Orchestra Arbez Ime at the Cedar Cultural Center on Saturday, December 2nd. The Cedar celebrates the 21st anniversary of Orchestra Arbez Ime, the award-winning Balkan party band from the Twin Cities. They will be performing material from the forthcoming album, 21, their first album in over 10 years, bringing together all the elements of music from the Balkans and Eastern Europe, which have made them an audience favorite. Opening the celebration is Ukrainian Village Band. Tickets for the Orchestra Arbez Ime can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul, and streaming at kfai.org. The show you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire à KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, uniquement pendant les chansons. Yeah. Ou otherwise, we don't pick up. Non. Bonjour Minnesota, @gmail.com. Yeah, I gotta say that since we changed phone system and we don't have the light anymore, right? We don't pick up anyway because we don't even know it's ringing. Because it doesn't ring, really. Ring. No, not even that. No. Nothing. Just blinking, and now it's blinking all the time. So, we have a message. Wait. Yeah, we might. Oh, we might, but it's probably not for us. It's probably a message from like 2 weeks ago. Mm. Someone calling for help. Too late. Yeah. All right. Well, we just listened to three songs. Yeah. Flor de la Vega with Merci la Vie. Then Marianne Dissard with Merci de Rien du Tout. And then Tim Dupe, who sounds a little bit like Oshie, according to Romain, with Merci et à demain. Well, you agreed. Yeah, it sounds a bit like Hoshi. Yeah. Yeah, yeah. I can see it. You I guys are it. Sober. That's not normal. You shouldn't find it, this kind of a parallel. Right. A comparison. Because no, it doesn't sound like Hoshi. But that's just my opinion. I guess. All right, should we talk about the events? Bah ouais, vas-y. Allez. That's good that you said okay, because you had no choice. You have approval. Oh, thank you. All right, Friday, this coming Friday, and I'm pointing down, you know, like... Oh, yeah. Because like it's important. And you're doing it almost like in a threatening way. It's... you're going to break one of your knuckles. Be careful. Yeah, because the desk is not going to break. It's like unbreakable. Ouais. There's a ciné club at the Alliance Française. And it's called, the movie is called Nous Étudiants, Us the Students. And it's a francophone movie directed by Rafiki Fariala. C'est dur à lire, hein? Yeah, a little bit. C'est dur à lire, d'abord. And it's set in Bangui, the capital city of the Central African Republic. So that looks pretty cool. So because it's a cine club with the Alliance Française, if you want more specifics, you can go to afmsp.org. Mais oui. Most cine clubs, there's no... I mean, donation is always welcome. Of course. But it's not like you got a fee and you got a bodyguard in at the door or something. So. Et ramène des lunettes aussi hein, de Paris. Okay, okay. Post-Thanksgiving Cajun Music and Dance Party. It's this Saturday between 7:30 and 11. And PM? Yeah. It's with the New Riverside Ramblers and Eric Morin. And it's going to be at the Fraternal Order of Eagles, which is located at 2507 East 25th Street. So good Cajun music. They typically have a little bit of a little fee, but that's a small cover. That's usually not too bad. And yeah, duration 3 hours and 30 minutes. Wow. Hey. Like if you dance, Swift. Yeah, if you dance for 3 hours and 30 minutes on Cajun music, that's good. Quite an event, yeah. Quite a feat. It's good exercise. Yeah, it's cardio and And then on Thursday, November 30th, between 6 and 9, Apéro Mexicano de Noël 2023. So it's organized by Minnesota Accueil, and it's at Tinto Kitchen plus Mercado. It's 4953 South Penn Avenue, and it's a francophone rendezvous. So, cool. That should be nice. I think they're gonna have like a menu or something like that. I mean, it's always nice, and Aurélie is organizing and stuff with, you know, Stéphane and all the others, and good. Excellent. I won't be there, but I'll be there the next time. Thursday, November 30th, as well, at 6 p.m., there's L'Effet Wahoo Residency Opening. And it's at the Alliance Française. And it's analog dance work. It's a contemporary dance company founded in 2019 by Brenna Moser in Minneapolis, will inhabit Alliance Française Art Gallery and La Grande Salle. So that sounds interesting. Yeah. afmsp.org if you want more specifics, but all the events I mentioned are listed on our Facebook page, Bonjour Minnesota Facebook page. So if you want, you know, like the times and get tickets or make reservations or things like that, feel free to go. And we're going to listen to more songs about Merci. So we're going to listen to Frédéric François, because we had Frank Michael. My mom really liked both. So she had a thing for Julio Iglesias for a while, but not as much anymore. No. But Frédéric François and Frank Michael remains like their her favorites. And he's going to sing Merci encore et encore, Thank You Again and Again, from his album Chanteur d'amour. Tout un programme. Yes. Then we're going to listen to Jean-Baptiste Guégan with Merci. From Who's the voice, sound alike, Johnny Hallyday. Yeah, because... Very, I mean, he's not imitating him. No, it's his voice. Same voice. Yeah. And he won, I think, like the... was it The Voice or Friends Got Talent or something like that a few years ago? I don't remember. Yeah. I don't know, actually. It's from his album Puisque C'est Écrit. And then Johnny Hallyday, so you'll be able to compare with a song called Merci. And it's from his album from 1976 called Derrière l'amour. You shouldn't have said who was who, and maybe we could have had the listeners guess. Yeah, maybe. All right. Good. On y va? Yeah. Eh ben, oui. Awesome. C'est parti. Let's try it. En avant, Guingamp. Quand le soir tu rentrais fatigué,

And we are back on Bonjour Minnesota. Indeed. KFI, yes, and we just listened to three more songs. Mm-hmm. Tout à fait. About merci, or thank you. Voilà. So what thank were they, Adrien? Because you switched spots with Freddy? Oui. Alors, we listened to Frédéric François. That was the first song with Merci Encore et Encore. Frédéric Francois. Voilà. Francis. Mais non, il y a une cédille, Monsieur Dusson. Ah oui. And then we listened to. Okay, so blind test. That was a blind test. We talked about Johnny Hallyday and Jean-Baptiste Guégan having the same voice, right? You were talking about that, Romain. Yeah. I was bluffed. Honestly, it's the first time I hear Jean-Baptiste. I looked at his face. He's probably 40, so definitely not the same person, but. He's absolutely alive, amazing. Too. So yeah. That was a second song we just sent. Yeah, he's right on. He's waiting to be on the air to use the jokes that I made. Here exactly. We go. Here we go. Jean-Baptiste Guégan was the second song with Merci, and the last one was from the real Johnny Hallyday, the one and only. But very with dead. Merci. Voilà, donc we're going to continue with a few songs. We're going to listen to Kinve, merci. Then je t'en prie. Madame Monsieur with Mercy. That represented France at the Eurovision Song Contest with like 4 or 5 years ago. Yeah. And it's Mercy, that's the name of a little child who was born on one of the migrant boats going to Lampedusa. I remember that. Mm-hmm. Absolutely. Yeah. So Madame Monsieur with Mercy, and then the second one or the third one will be with MC Solar, Merci. On y va. Voilà, vous êtes prêts? Eh ben vas-y. Vas-y. Bah vas-y. Bouge-les tes gros doigts. Alors on y va. On aurait pu se voir ailleurs qu'ici, que ce lieu où l'on s'est dit oui. T'as rien dit mais j'ai déjà compris. Comme toujours tes yeux t'ont trahi. J'ignorais l'évidence. C'était notre dernière danse. Alors merci d'avoir toujours su prendre soin de mon cœur, de t'être autant battu pour mon bonheur, d'avoir fait de moi quelqu'un de meilleur. Même si je n'ai peut-être pas été à la hauteur, même si j'ai peur que l'on fasse une erreur, si tu penses que tu seras mieux ailleurs, laisse-moi te dire merci. Puisqu'au fond je n'ai même pas mon mot à dire, laisse-moi au moins contempler ton beau sourire qui illuminait ton si doux visage. Oh, je garderai nos meilleurs souvenirs dans un coffre que j'irai enfouir au plus profond d'un lointain rivage. J'ignorais l'évidence. C'était notre dernière danse. Alors merci d'avoir toujours su prendre soin de mon cœur, de t'être autant battu pour mon bonheur, d'avoir fait de moi quelqu'un de meilleur. Même si je n'ai peut-être pas été à la hauteur, même si j'ai peur que l'on fasse une erreur, si tu penses que tu seras mieux ailleurs, laisse-moi juste te dire pas par l'esprit tranquille. Non, ne te défile pas, ne pense plus à moi. Merci pour tout ce qu'on a vécu, chaque

l'inconnu. Marchant dans la ville, arpentant les rues, perdant dans la foule, enfant claustrophobe. J'avais pour envie de changer le globe. J'écrivais des choses parfois superflues que mon entourage trouvait farfelues. Ma voix sur vinyle passe sur les ondes, ce qui me permet de voir l'autre monde. La première étape fut la Normandie. J'entendais des gens crier Claude MC. Y'avait de l'espoir dans cette autre histoire. Y'avait des sourires francs dans l'auditoire. Après les concerts, c'était nos barrières. Pas de garde-corps, pas de plan de carrière. On se découvrait par de longs récits. Pour tout ce bonheur, je vous dis merci. J'aurai autre chose que de longs soupirs. J'aurai de la joie et des couleurs vives. Et le sentiment d'être toujours ivre. C'est à ton contact que j'évolue. C'est par ta présence que l'on m'évalue. C'est aussi pour toi que j'écris ces phrases. De l'introspection juste après l'extase. J'espère pour ma part t'avoir fait du bien. Même une caresse, même trois fois rien. Une note de musique, juste un stimuli. Une vraie parole, pas du simili. Parce qu'il est temps de dire qu'est-ce qui nous fait, c'est toi. Que te rencontrer, c'est faire le plein de joie. Voilà pourquoi je ne tourne pas ma langue cette fois. Pour te dire ceci, merci. And we are back. Indeed. Bonjour, Minnesota. On KFAI Radio. Voilà. With Freddy, Romain et Adrien. And we just listened to three songs. We listened to Team V avec Merci. And ensuite, we played Madame Monsieur avec Merci. And MC Solar, Merci. I was going to say it. You have a keen for pattern. You can say it. And you're good. Bravo. You're good. You're not Même even cheating MC by Solar. Looking at the screen. Even MC Solar say thank you. Yeah. Okay. And so we're going to listen to a few more songs. But yeah. Let's still, do three. Merci. Let's do three. Yes. I think it's a very good idea. Thank Maybe you. Maybe, you know what? One day, we should have a playlist with only songs about three. All the threes. Mm-hmm. Good luck with that. Les Trois Mousquetaires, Jean-Jacques Debout. Okay. Your turn. Yeah. Well, I don't know any about three, and I'm not the one who launched the challenge, anyway. I have another one. Yeah. Un, deux, trois, Jean-Jacques Goldman, Carole Fredericks, et Michael Jones. Un, deux, trois, Pouli Mama. They have to be French songs. Ah oui, oui. Because otherwise, I know a lot of songs. Non, elle est en français, c'est là. Faith. That's a good one. Yeah, but it's four. Non, three. Ah, bah oui, oui, oui. Bah oui, il faut bien trois pour arriver à quatre. D'habitude, usually. All right, so what are we going to listen to? Okay, we have Music with Merci pour la joie. And then Tarmac, Merci pour tout. And Arcadian, Bonjour, merci. Eh ben, très bien. Bah, c'est bon. De rien, et vas-y. Tu connais mieux que moi les hommes, mon amour, qui vont

bonjour, tu dis merci. T'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, bien poli. On te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table. Plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Faudrait être beau, faudrait être digne, faudrait être fort et puis fragile. Faudrait être comme elle, comme il, être belle, être in. Faudrait sourire même au pire, faudrait être docile et utile. Faudrait être monsieur tout le monde, et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Puisqu'on n'a qu'une seule vie, faudra être vivant, se laisser dévier, prendre chaque courant. Plus jamais au bureau. And we are back. We are back. So what did we listen to, Adrien? Well, that was Arcadian with Bonjour Merci, which was a really fun song, I thought. Thank you for that. Right before that, we listened to Tarmac with Merci pour tout. Tarmac is a spin-off of Louise Attaque. Ah, that's what it was. It sounded familiar. Perfect. Okay, that makes still sense. With that the makes same sense. Singer. Mm-hmm. Yeah, Roussel. That makes sense now. And before that, it was Miossec. Merci pour la joie. I like Miossec. Voilà. So we're still saying thank you for participating to the support drive, to the pledge drive to KFAI. Thank you also specifically from us at Bonjour Minnesota for all the donations and participations like Amita. Yes. And, you know, that's also great. There are two sides of participating as a listener, also participating as giving something that can become a premium is also super fun. And so that is a big part of this show tonight. Indeed. Thank you. So, and Thanksgiving is coming up, so you can think about what you're grateful about. Voilà. And if you're not, just get a happy peel. Voilà. So what are we going to listen now? Well, we have Mickey 3D with Merci Mickey. La Vie. J'adore Mickey 3D. They're Stéphanois and very good, very famous artist. They were big, like maybe, I want to say 15 years ago was really the height of their... 2010. Somewhere between 2010 and 2015, maybe. Okay, with the song Respire, you might have heard that one before. That was their big hit for a while. We can still hear here and there. And then after Mickey 3D, we'll listen to DJ Candies with Merci Key. And that's a fun song. All right. Oh, never heard it. That's going to be fun. And then Camille Lelouch with Je remercie mon ex. Yeah, she's a little bit sarcastic there, but... But Camille Lelouch, she's a very good singer, but she's also a comedian. Is she? Oh, yeah. She actually related to the Lelouch family? I don't think so. Okay. But she's really funny. And so she has both hats. And, Un peu comme Anaïs. Yeah, well, Anaïs is not really... She doesn't do stand-up or... Oh, yeah, yeah. No, she's funny. Yeah, no, but I'm saying Camille Lelouch is both. Yeah, mm-hmm. Yeah. That's very Camille cool. Lelouch, I saw a YouTube interview and she was talking about her ex, or one of her ex, where she was in an abusive relationship, and that was really strong. I mean, like, she really went through hell with that guy. So, all right, let's listen to the songs. Yeah, let's go with C'est Mickey parti. 3D. Pour s'éloigner de la misère, cessons de nous apitoyer. J'aimerais bien que l'on s'apaise et que l'on cesse de prier. Il y a des centaines de crétins qui s'amusent à foutre des PV. J'ai même vu des enfants putains aux élections se présenter. Il y a des milliers de tonnes de cons qui n'iront pas se suicider. J'ai mis des amis, des gens bien moi, qui un jour l'ont décidé. Se protéger, on s'amusait bien à l'école, les filles n'étaient pas si coincées. On supportait pas trop l'alcool, on essayait d'en profiter. Est-ce pour cela que l'on se colle? Ou est-ce pour ne plus y penser? J'en ai connu des hirondelles qui sur moi se seraient posées. Pour quelques minutes à la fête, elles auraient pu me renverser. J'ai cru perdre 100 fois la tête et ne jamais la retrouver. J'ai cru ne jamais m'en remettre. Pourquoi est-ce toujours nos idoles qui doivent se planter les premiers? Dieu a pris les cons pour des hommes et leur a proposé de régner à la distribution des rôles. Il aurait dû rester couché à la distribution des rôles. Il aurait dû rester couché. Merci. Merci. We'll be right back. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon ex. Depuis que t'es parti aujourd'hui, tout va mieux dans ma vie, ouais. Je remercie mon ex, t'as refermé la porte en un clin d'œil, c'était fini, ouais. Je remercie mon ex, grâce à toi, tout va bien, tout va mieux, tout est doux. Ça me fait plus mal, grâce à toi, je respire et je me rends pas ouf. Et ça me fait plus mal, ouais. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, bah ouais, enfin je revis. Ça fait. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex. Rassure-toi, je veux jamais revenir, je veux jamais te détruire, enfin ton cœur si, ouais. J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté, ouais. Ça me fait plus mal, après tout ce temps tu m'as pas respecté. Et ça me fait plus mal, grâce à toi j'ai compris que c'était fini. Depuis, bah ouais, enfin je revis, ça fait. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, arrête de raconter, ouais. C'est toi qui es parti apeuré, ouais. Mais je ne reviendrai plus jamais, jamais. Toi, tu m'aimeras à tout jamais, jamais. Hey, arrête de raconter. Je sais que tu peux mourir avec toute ta fierté. Mais je ne reviendrai plus jamais, jamais. Et toi, tu m'aimeras à tout jamais, jamais. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon. Je remercie mon, je remercie mon ex, mon ex. Excusez-moi, j'ai mis mon téléphone. Ah, c'est gentil. Pas de soucis. Tu peux me tutoyer ? Bah, ton téléphone, du coup. Bah, merci, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Salut. Salut. Je remercie mon ex. Mon ex. L'afficher comme ça. Voilà, we are back. Oui, Freddy. We're back on live and we just listened to Camille Lelouch. Je remercie mon ex. And before that, we listened I didn't know. To DJ Candies. Merci qui. And the first song we listened to was from Mickey 3D, Merci la vie. Okay, that well, nice. That was, yeah, good. Yeah. It was fun. No. All right. Well, we have about 5 minutes left before Balkan Jamboree. With Nikolai. So stay tuned. And we want to say probably goodbye. Yes, and we'll listen to a few more songs as well. Of course. And a happy Thanksgiving. Yeah. And so next week is just going to be Adrien and I in the studio because Freddy will be on the other side of the pond. Mm-hmm. Yes. And actually a little further than the other side of the pond. Yeah, even further than that. And so we'll be here in the studio for you next week. All the shows are 10. Archived. So if you miss a show, you can always listen to it the next day. Yeah. And tell us a bit about French influences. The 132 is out, so feel free to go and get it. There's a lot of new artists because I've been spending a little bit of time on Bandcamp. And money. He chose, and money. Cool. And mostly electronic, but there's a little bit of rock too, and it's a variety, but a lot of French artists who are not necessarily singing in French, so. Okay, yeah, go on kfa.org, check out French influences if you haven't. Thank you for listening, for supporting us. Have a great weekend. Thanksgiving weekend, holiday, we will see you next week. Right. Au revoir. Bonne soirée. Bon, au revoir. Bon, bon, bon, bon, bon. À dans 3 semaines. J'écris cette chanson pour dire merci à ma famille, pour dire merci à mes parents. C'est pour mon papa et pour ma maman, pour mon frangin et mes amis que je connais depuis l'enfance. Ouais. Grâce à vous trois, je suis comme je suis. Vous m'avez appris de ne pas avoir peur de la vie. On n'avait pas grand chose, mais notre famille. Et beaucoup d'amour jusqu'aujourd'hui.